réforme constitutionnelle et la déchristianisation révolutionnaire. Eh bien, mesdames, messieurs et chers amis, tel que se présente ce sujet, je veux dire qu'il est non seulement démesuré, mais présomptueux. Et que c'est un tour de force que d'essayer de le présenter dans les 20 minutes qui me sont imparties. Je vais le tenter, mais je vous prie d'entrer d'excuser ce que ces raccourcis pourront avoir de caricatural. La caricature pouvant être corrigée dans le feu de la discussion. Quel est l'objectif de cette ouverture, de ce qui se voudrait une honnête provocation? Bien, c'est sinon un essai de synthèse, du moins une tentative de mise en relation d'un certain nombre de ces données, de ces indices, ou comme on dit aujourd'hui dans le jargon historien et autres, de ces indicateurs qui nous permettent d'apprécier, de mesurer sur trace les comportements, les attitudes, les sensibilités. Cette synthèse, comme toute synthèse bien sûr, est certainement prématurée, mais c'est à ce titre qu'elle voudrait intervenir en tant que stimulation. Nous sommes ici dans une ère qu'on aurait dit voici un certain nombre d'années peu prospectée par référence à d'autres régions où les études se sont multipliées de façon fort dense. Ce qui nous permet actuellement toutefois d'être plus assurés et de présenter quelques hypothèses de travail, c'est que ce chantier apparaît de nos jours en renouvellement, en éveil, et en voyant sans doute un peu midi à la porte, c'est-à-dire en abordant les Alpes par le sud, que mes amis grenoblois me pardonnent, mais ils apporteront leur son de cloche. Je dirais que les études récentes, tel que le beau travail du chercheur américain Timothy Tackett sur le thème du prêtre et de la paroisse dans la France du XVIIIe siècle, Christian Parish in 18th Century France, traitant essentiellement du monde alpin et en l'occurrence du diocèse de Gap, nous a ouvert toute une série de perspectives, non seulement sur la vie du clergé, mais sur la vie religieuse tout entière. Par ailleurs, c'est pour moi un devoir de reconnaissance auquel je tiens à apporter ma contribution personnelle, que de rappeler tout ce que nous avons pu glaner au travers des articles qui se sont succédés dans les productions de la revue Le Monde Alpin et Rhodanien à l'initiative du regretté Charles Joassin. Témoignage de cette multiplication des études sur la religion, populaire, mais aussi sur la rencontre, sur la coopération nécessaire entre histoire et ethnographie. Dans ces évocations inévitablement très partielles, je rappellerai que, en ce qui me concerne, abordant ce monde alpin par le sud, comme je l'ai dit, je me suis penché sur le problème à partir d'indicateurs tels que les testaments, tels que l'histoire ou les visages de la fête, tels que les aspects de la déchristianisation. Et mes travaux ont été reliés, ils n'ont d'ailleurs été rendus possibles que par une multiplication d'études ou de mémoires dans la plaquette que je vous ai fait distribuer pour le support de cet exposé. Vous trouverez des graphiques qui sont encore manuscrits, que j'ai retouqués dans ces jours déroulés et qui sont tirés Barcelonnette ou sur la Lise même, prenant en compte les testaments de la région. Donc, un chantier en renouvellement, un chantier en éveil, un chantier aussi qui nous offre la possibilité de cet investissement multiple à partir de sources riches, des sources qui sont d'abord au niveau de l'imprimé, mais l'imprimé faisant office de source est ici particulièrement riche. Et je songe à ces statistiques des préfets de l'époque napoléonienne, même de la Restauration, à ces dictionnaires statistiques que j'ai rangés dans la catégorie des primitifs de l'ethnographie au tournant du 18e et du 1er 19e siècle. Et l'on songe à la Doucette pour, au préfet la Doucette pour les Hautes-Alpes, comme à Delacroix pour la Drôme, comme à leurs homologues dans d'autres sites. À travers ces primitifs de l'ethnographie qui découvrent avec le regard froid des hommes des Lumières qui sont encore ces populations parfois perçues encore comme étranges de leur montagne, c'est toute une moisson de renseignements qui nous est fournie et dont les folkloristes ont su bien souvent. Mais les sources manuscrites nous réservent ici et on les verra mises en œuvre à travers les cartes hydrographiques que j'ai empruntées aussi bien aux travaux de Timothy Taquet que à ceux de mes élèves, que à mes travaux propres et à d'autres encore. On verra mises en œuvre ces sources qui sont la bâtie de base de l'historien de la religion en campagne actuellement, les testaments, les courbes d'ordination, les statuts, statuts synodaux ou autres, mais aussi d'autres sources plus indirectes, plus lointaines en apparence, l'iconographie ou ce recours à l'ordre choral que Philippe Joubert a promu et dont on a retrouvé dans les pages du monde alpin et rhodanien de multiples, de nombreuses illustrations. Et pour moi, un des chefs-d'œuvre du genre est certainement cette interview, cette ethnothèse, cette interview de Marie Vassereau, de cette inspirée alpine qui avait confié à Charles Joistin ses réflexions sur la vie, mais plus encore sur la mort, sur le diable et sur ce monde invisible qui nous entoure. À partir de ces données, la synthèse, restant prématurée, n'en devient pas impossible. Et je voudrais la résumer en quelques traits que je me contenterai d'annoncer, quitte à ce qu'il soit lancé par la suite. Premier thème, première proposition, un monde qui se dessine à nous d'entrer dans ces cadres, dans les cadres originaux dans lesquels s'insère et s'inscrit la vie religieuse collective. Un cadre socio-économique différent, marqué sans doute par la pauvreté. C'est un provençal d'adoption qui vous parle, mais lorsque j'ai répertorié département par département le bilan de l'argenterie des églises telle que la Révolution l'a prélevé ou se l'est fait livrer lors de la phase des christianisatrices de l'an 2000, entre la Savoie baroque qui fournit un ample magot, un ample trésor, et l'argenterie des diocèses provençaux, ce monde alpin est un monde qui assume sa misère, qui assume le dénuement de ses églises, et ceci vaut au-delà d'un simple bilan en termes de pauvreté et de richesse. Monde du cloisonnement, monde aussi où le rapport ville-campagne se formule en termes très différents des aspects qu'il présente dans la Provence que je ne puis m'empêcher de choisir comme référence. Ici, à coup sûr, c'est un monde des villages. C'est un monde des groupements humains beaucoup plus morcelés dans le cadre des villages, dans le cadre des hameaux, dans le cadre des écarts. Ce morcellement, cet inquiétement s'inscrivant non pas tellement en termes d'atomisation que de formulations différentes des solidarités ou en particulier les solidarités familiales s'expriment en termes très originaux et différents de ce que l'on peut appeler la sociabilité méridionale. La frontière de la sociabilité méridionale telle qu'elle pénètre le long de la vallée de la Durance, on peut la cartographier, je l'ai tenté à partir de la carte des sociétés populaires de la Révolution française, on voit où elle s'arrête où la montagne alpine commence. Et puis, dans ce monde, prima sans doute, du monde rural, j'entends du coup des agriculteurs. Une société où, dans la sociologie même du recrutement des prêtres, tel que nous la propose Timothée Taquette, la place des fils de paysans est sensiblement supérieure à celle que l'on rencontre dans la plupart des autres diocèses. Il faut aller, et pardonnez-moi à ceux qui peuvent paraître sauter du côté là, il faut aller jusqu'à la basse Normandie ou jusqu'à certains pays du Bocal pour retrouver autant de fils de paysans dans la formation de ces cadres du monde clérical. Un cadre donc socio-économique différent, mais aussi un cadre socio-démographique, qu'on pardonne l'expression, tout à fait spécifique. Et ce cadre socio-démographique est marqué sans doute, on le sait maintenant à partir d'études comme celle de Colomb, mais aussi à partir d'un certain nombre de monographies telles celle que j'ai eu la chance de diriger et Philippe Foutard a participé au jury sur la petite communauté de Barle où l'on a l'auteur a tenté d'analyser de l'intérieur ces familles de paysannerie pauvres mais qui recourent à une migration saisonnière de plus longue durée et qui façonne ce paysage collectif à la fois social et mental, à la fois de, où le cloisonnement est constamment corrigé par la bougeotte, par l'immigration, par des formes d'ouverture sur l'extérieur qui ont leurs répercussions sur les formes de la vie religieuse. De même que les formes même de la solidarité familiale s'expriment et se retrouveront, comme nous les avons retrouvés dans les testaments, en termes de manifestations collectives, telles qu'on les rencontre dans l'importance du banquet funèbre, de ce banquet funèbre qui nous disent nos informateurs, qu'il s'agisse de Féro, de la Lucette ou de la Croix, peut regrouper 150 à 200 personnes, le village, les cousins, mais dans ce village, tout le monde n'est pas plus ou moins cousin. Banquet et funèbre, mais aussi rencontre familiale de la grande famille, un rapport homme-femme également, différemment formulé de ce qu'il est dans la Provence voisine. Les schémas, les modèles que nous avons appris dans les œuvres de Maurice Agulon sur la distinction de l'espace masculin et de l'espace féminin ne valent pas ici dans un monde où les confréries de pénitents sont très fréquemment mixtes et où si le rapport n'est pas égalitaire, il s'en faut, le rapport entre les sexes se formule en termes particuliers. Enfin, un cadre culturel original et qui s'exprime de la façon la plus, je ne dirais pas superficielle, mais la plus pauvre et en même temps la plus directe dans cette très forte alphabétisation de montagnes savantes. Et ici, c'est le représentant d'une province ignorante à la fin de l'Ancien Régime, à la cité, qui peut s'étonner de ce constat qui pour nous est devenu banal, familier, mais qu'il convient malgré tout de rappeler, le taux extrêmement élevé d'alphabétisation de ces paysannes albines, tel que sur la plaquette que je vous ai proposée, vous pouvez en voir la traduction à la page 4. Dans les deux exemples, le Barcelonnette d'une part et le Valois de l'autre, les courbes, si vous arrivez à les réfléchir, vous donnez une leçon, elles sont de trois détectables, ces courbes montrent, permettent de constater la permanence et la constance dès le début du XVIIIe siècle d'un taux très élevé d'alphabétisation masculine, entre 85 et 95%, un taux qui plafonne dès le début du siècle, qui même à se tasser quelque peu à la fin, en contraste d'ailleurs avec ce taux d'alphabétisation très élevé de montagnes savantes et, vous savez, grandes productrices et exportatrices de maîtres d'école et de prêtres, l'analphabétisme féminin s'inscrit comme une lourdeur et corrige un peu ce que je viens de dire à l'instant sur le rapport homme-femme dans ces traits spécifiques. Voilà le cadre planté. Et sur ces bases, quels sont les traits du modèle ou des modèles que je voudrais proposer? Un premier niveau, c'est d'insister sur les structures originales de la vie religieuse. Le constat qui domine si nous partons du plus visible pour aller à ce qui l'est moins. Le constat qui domine, c'est la très forte implantation cléricale de ces régions, de ces diocèses des Alpes centrales. Cette densité, vous en avez une traduction grossière. Si Gérard Cholvy était là, il critiquerait certainement cette carte, et pourtant je l'aime assez, elle est de moi. C'était la page 2, en bas et à gauche, et c'est le report des effectifs des prêtres, c'est publié, assujettis au serment constitutionnel, reporté aux estimations de population des départements dans le sud-est de la France. Pour grossier qu'il soit, le test reste malgré tout expressif. Il met en évidence cette masse alpine des Bas-Alpes, Hautes-Alpes, à la Drôme et à l'Isère, en contrepoint desquels s'inscrit la relative indigence de la Provence, du Massif central, et même, ce qui est beaucoup plus paradoxal, de la Savoie, mais les conditions spécifiques de nature peuvent fausser les chiffres. En tout cas, la densité extrêmement grande reflète ce constat qui est évident pour tous les chercheurs. Nous avons ici une pépinière, une région productrice de car dans cette France de l'âge classique, il y a des régions très lourdement déficitaires, la Basse-Provence en est une, comme l'est la région parisienne. À ces régions déjà très lourdement déficitaires, un certain nombre de châteaux d'eau, disons, de production pléthorique, supplée à Paris. Paris est approvisionné, si je puis dire, par les prêtres venus des marques armoricaines du bocal manchois. Le sud-est et pour partie la région lyonnaise, même et surtout le sud-est provençal, s'approvisionne très directement à cette main-d'œuvre cléricale gavotte, si je puis dire, qui, comme les travailleurs des montagnes, viennent tenter leur chance dans la situation, dans l'état clérical. Et nous avons donc là un réservoir si je voulais parler, comme l'un de mes jacobins, de mes vieux compagnons jacobins de l'an 2, le représentant des RSF, qui était du pays, comme son nom l'indique, un vrai couloir de prêtre, dit-il, en parlant, je crois, du district de Castellane, dans lequel il a préféré ne pas pénétrer, pas plus d'ailleurs que dans celui de Barcelonnette, qui était pourtant son pays d'origine. Alors, disons pépinière, cela sonne mieux, surtout dans un lieu comme celui-ci. Et cette densité s'accompagne d'un certain nombre de traits que je me contente d'énumérer, vous m'interrogerez sur ce point, les traits qui me semblent les plus originaux et que ces graphiques illustrent, c'est le primat des écuyers sur les réguliers. Le partage inégal est souvent à l'avantage des religieux, tel qu'il s'effectue dans la Provence voisine, tourne ici à l'avantage des écuyers. Entendons que nous sommes en pays de curés, de curés qui ont beaucoup moins, les cartes ici et les bustes, qui ont beaucoup moins de vicaires dans le cadre d'une structure cléricale plus atomisée, une moindre concentration. Et c'est le monde des curés. C'est aussi Timothée Taquet qui l'a montré. Le pays des portions congrues, des curés à portions congrues, ce qui ne sera pas sans importance sur l'évolution, sur la Révolution française. Enfin, pays d'un clergé girovard qui s'en va tenter sa chance à l'extérieur, du fait même de sa, de son poids et de sa densité. De l'église institution, j'entends même du corps pastoral tel que nous l'avons saisi très grossièrement. Dans ces traits majeurs, il faudrait passer à ceux au trait de la pratique religieuse. Et là, très simplement, passons, si vous le voulez, à ces groupes tels que je vous les propose à partir des testaments de Barcelone. C'est la page 4, des testaments de Barcelonnette ou des testaments de Valmise. Testament de Barcelonnette ou testament de Valmise, pour ceux qui ont consulté les cours que j'ai autrefois proposés sur cette Provence du XVIIIe siècle, qui s'inscrit quelque part vers 1750, ce grand tournant de l'âge classique, ce grand décrochement de la pratique religieuse qui fait qu'il y a moitié moins de fidèles, si l'on peut dire, pour demander des messes à la fin du XVIIIe siècle qu'il y en avait en 1750, on ne peut manquer d'être frappé du constat que nous présente avec une convergence remarquable Barcelonnette et Valmise. Des courbes hautes, des courbes où les demandes de messe, messe massive de pratique religieuse, restent élevées à un très haut niveau, entre 80 et 90% pendant tout siècle. À la fois très haut niveau et stabilité de courbes qui ne présente pas cette flexure, cette cassure, cette rupture majeure du cœur du XVIIIe siècle. Cette stabilité à très haut niveau est-elle confirmée par les autres tests de la pratique, par les autres indicateurs, comme je l'ai dit ? Eh bien, les autres tests qui peuvent être pris en compte nuancent et renforcent l'impression d'originalité. Par référence aux courbes provençales telles qu'elles ont été tirées des testaments, ce qui frappe dans les générosités posthumes des testateurs de Barcelonnette ou de la Valmise, c'est à coup sûr la place qui tiennent les charités, qui tient le geste charitable. Mais entendons-nous, un geste charitable qui reste très personnalisé, très concret. Là où les Provençaux font un œil à l'hôpital, font un œil à des institutions, il s'agit ici d'aumônes, mais plus encore de Don Manuel. Il s'agit de distribution à la porte et qui se situe à un niveau très supérieur, très amplement supérieur à ce que l'on rencontre dans la Provence. reflet de ces solidarités non seulement familiales, mais villageoises dont nous parlions tout à l'heure, pourrait-on dire, au moins dans le cas de la Louise, lointain héritage d'un geste qui a longtemps, qui a constamment été pratiqué dans les communautés réformées et qui en devient un geste distingué. Je laisse ici la question ouverte. Enfin, dans cette aventure qui nous mène de l'Église institution à la pratique des fidèles, les structures de la pratique laïque passent comme ailleurs par un certain nombre d'intermédiaires, dont les confréries, de dévotion ou les confréries de plénitude. Si je m'en tiens à quelques propositions, à quelques constats tels qu'ils m'apparaissent dans les travaux de Taquet comme dans les travaux que j'ai pu diriger sur les testaments, ce qui me frappe ici, c'est d'une part une moindre densité des confréries que dans le Midi méditerranéen. La prolifération des confréries liées aux autels, liées aux chapelles, liées aux lieux de culte, fait place ici à l'austérité de ces églises, où finalement le maître autel est flanqué traditionnellement, même quand le cadre a été nettoyé à l'extrême, d'un autel de Saint-Joseph et d'un autre à la Vierge. C'est un balancement de ce que j'ai appelé, de ce que j'appellerais tout simplement l'église élémentaire, celle qui a l'autel du Saint-Sacrement au centre, puis deux autels de part et d'autre, rien à voir avec le foisonnement du monde méridional. Mais sur ce point, Marie-Hélène Feuchelet dira beaucoup plus de choses et beaucoup plus précises que je ne peux en suggérer ici. En tout cas, on a l'impression que ces confréries comme test de la conquête, de la reconquête post-tridentine, eh bien, elles se poursuivent dans leur mouvement conquérant ou ascendant jusque très tardivement. Les cartes de Timothée Taquet nous montrent que la confrérie du rosaire, qui est une des confréries les plus fondamentales de cette pratique religieuse de l'âge classique, eh bien, elles ont encore beaucoup à gagner, elles progressent encore. Elle gagne encore de nouveaux territoires, de nouvelles frontières, de nouvelles vallées au cœur du XVIIIe siècle. Quant au pénitent, bien le contraste avec les pénitents provençaux s'impose ici avec force. Les pénitents existent dans ces vallées. Ils existent et ils tiennent une place considérable. Mais autant qu'on puisse le percevoir, leur établissement est plus tardif. Leur dynamisme aussi se maintient beaucoup plus longtemps, jusqu'au cœur du XVIIIe siècle. Les pénitents sont, sinon moribonds, du moins demi-laïcisés, comme nous l'ont montré les études de Maurice Aguillon dans la Provence voisine. Ils continuent à développer et à gagner encore dans ces vallées actuelles. Ces pénitents qui, dans les cours que je vous propose, gardent encore 20-30% des faveurs des testateurs à la fin encore du XVIIIe siècle, même si un fléchissement commence à se dessiner, ces pénitents, ils ont leur préférence. Et en particulier, ce mélange, non pas des genres, mais des sexes, fait que les confréries, ils sont ici mixtes, et les statuts de la confrérie de Val-Louise, des confréries de Val-Louise et des Vignaux, tels qu'ils ont été analysés dans le cadre des recherches que je cite, montrent bien ce rythme très différent des pénitents alpins, très différent de ce que l'on rencontre dans le Midi provençal. Il faudrait passer de ce niveau qui nous présente la région encore qu'au stade des gestes, qu'au stade des traces extérieures, qu'au stade des attitudes, des structures, même s'il s'agit de celles des laïcs, de la masse des fidèles, je voudrais passer au fort intérieur. Je voudrais pousser l'indiscrétion plus loin. Pour cela, nous avons nos méthodes, elles sont l'iconographie, le gestuel, l'ethnographie historique, l'enquête orale. Il y a là toute une série de problèmes et de chantiers que je me contenterai d'ouvrir, car ce sont, et notre ami italien a rappelé tout à l'heure, ce qui est un éthique de langage parmi beaucoup d'autres, je parle toujours de frontières ouvertes. Mais le terme doit être pris dans sa lecture la plus optimiste et la plus stimulante, frontières ouvertes ou frontières de cherchant. Nous avons déjà un certain nombre d'éléments, de données. Dans les analyses qui portent sur l'iconographie, si, à mon avis, il manque encore d'une étude, une synthèse véritablement dominée qui nous explique, qui nous détaille ce cheminement qui a fait passer des fresques alpines du XVe siècle à leur transposition, à leur transcription domestiquée ou, disons, civilisée sur les retables de l'âge classique, bien, qui saisirait, qui suivrait à partir de l'iconographie ce mouvement d'assagissement, ce mouvement d'acculturation, aurait saisi sans doute l'un des points essentiels de cette religiosité alpine dans ses aspects spécifiques. Comment le dire, les aventures du diable auxquelles nous a si brièvement introduit notre collègue tout à l'heure, bien, ces aventures du diable, moi je les vois toujours avec l'exemple. On dira qu'il est trop connu, mais c'est l'exemple du diable dressant. Ce diable dressant qui figure sur les autels de la Haute-Maurienne, sur ces autels de Bessan où le diable apparaît sur les retables de l'âge classique, enchaîné, parfois tenu en laisse, tenu, maîtrisé par un Saint-Michel conquérant. Et ce diable, on sait bien, ce sont les divinités, les sacralités de la montagne voisine, ce sont les forces des héritages païens. Et puis, un jour viendra, au XIXe siècle, où l'on se détachera de ces retables, de ces figurations, et où, sous l'invasion de la statuaire sulpicienne, les anciens fabricants de retables se trouveront réduits à la condition de chômeurs jusqu'à ce que l'un d'eux, un soir, vous le savez, vienne poser sur la fenêtre éclairée, comme ça, en ombre chinois, qui durait des cent, cette image qu'il a sculptée lui-même du diable, du nouveau diable, réhabilité ou récupéré par la religion populaire, ce diable dressant, tel qu'il renaît dans la statuaire locale, au cours même du XIXe siècle. L'histoire du diable dans les Alpes, c'est là aussi un chantier ouvert. Et c'est là, si l'on veut, que l'on touche le domaine de cette autre religion, ou religiosité, si l'on veut, du silence, celle de qui ne s'exprime pas ni en organisation ni en structure, celle que l'on voit surgir sous forme, comment dirait-on, eh bien, certains maîtres diraient panique, par exemple, et sous forme panique, comme dirait Alphonse Dupont, ces formes paniques, moi je les ai vues, je les ai rencontrées sous la Révolution française, lorsque dans ces régions alpines, réduites à l'état de chrétiens sans église par l'application massive des prêtres dont nous avons parlé tout à l'heure, on voit naître des phénomènes de prophétisme. Le prophétisme catholique, j'allais dire sévenol, mais c'est dans ces mêmes districts de Barcelonnette, par exemple, que l'on voit des femmes, bien sûr, qui prophétisent, qui font le culte, qui célèbrent ces messes blanches, mais aussi qui font ces prophéties. Donc, si vous le voulez, ce que l'on nous a évoqué tout à l'heure sur la Salette n'est d'une certaine façon qu'un écho répercuté au cœur du XIXe siècle. Alors, voilà, il y a là un chantier. un chantier qui n'est encore qu'abordé, qui n'est encore, si je puis dire, que égratigné, mais dont certains chapitres ont été étudiés. Sans vouloir insister sur l'un de ceux qui me sont chers, parce que je l'ai prospecté moi-même, lorsque j'ai travaillé sur la fête en Provence, j'ai pu, et j'ai réservé une des pages de cette plaquette, cartographier la fête alpine, la fête, disons, de la haute Provence alpine, en contrepoint de la fête méridionale. Et ce qui nous frappe, si l'on consulte, lorsque vous consulterez ces quelques cartes de tests ou provocations que je vous ai proposées dans leur continuité, ici, ce qui nous frappe, c'est que la région intra-alpine, la région du Pays, la région de Barcelonnette, cette région donc de la montagne de Haute-Provence, est une région au moins aussi festive que la Basse-Provence des plaines, que la Basse-Provence arlésienne. En densité, en test de quantification, en nombre de fêtes et en prolixité des langages de la fête, il y en a autant. Simplement, ces fêtes sont différentes. Leur calendrier est différent. Elles font une place beaucoup plus grande à la fête d'hiver, alors que la Basse-Provence a déjà fait son virage à la fête d'été, à la fête du mois de juillet ou du mois d'août. Ici, la fête d'hiver garde sa place dans des régions où, en juillet et même encore en août, une partie de la main-d'œuvre est en bas, est dans la plaine, et dans le monde de la Provence. Bien, le calendrier de ces fêtes est un des aspects de cette originalité d'un monde qui garde ses rythmes, qui a gardé par exemple, a conservé dans la haute Provence alpine la bravade beaucoup plus longtemps, paradoxalement. Seconde série de problèmes conclusifs, une chronologie. Là encore, il faut se défier des commodités verbales. De même que j'ai voulu exorciser la fausse antinomie entre bloc ou frontière de sensibilité, ici, il serait un peu trop facile, sans doute, de parler de cette région alpine au niveau de la pratique religieuse en termes de conservatoire. Conservatoire, oui, dans la mesure où cet aspect linéaire et constant des cours de la pratique religieuse nous en fait la confidence, nous en administre la preuve au cœur même de l'âge classique. Une fidélité marquée qui s'inscrit aussi dans la cour très élevée des ordinations et donc de la production du flux des prêtres à l'âge classique, même si un fléchissement se dessine encore que modeste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Toutefois, à l'intérieur même de cette constance ou de cette fidélité, je suis frappé aussi de l'importance d'un certain nombre d'aventures ou de mutations. Je suis frappé par exemple par le caractère tardif du succès, du triomphe de la conquête post-tridentine, d'une conquête post-tridentine poursuivie jusqu'au cœur du XVIIIe siècle. On a l'impression que dans ces pays, la dynamique post-tridentine s'est poursuivie plus tard. En même temps, un certain nombre d'originalités qui s'expriment dans le caractère spécifique de la nature révolutionnaire, l'attitude paradoxale d'un clergé qui a massivement prêté serment constitutionnel, mais qui, dans des pays qui, en bonne partie, ont refusé la déchristianisation, ou du moins où la carte de la déchristianisation de l'an II fait apparaître le contraste marqué entre le monde des vallées, entre le monde ouvert et brassé, et ces refuges conservatoires de la montagne dont nous parlions à l'instant. Et finalement, vous voyez, la conclusion ultime sera d'insister sans doute sur le poids des contrastes entre d'une part une certaine austérité, une pauvreté par rapport au baroquisme méridional, mais en même temps une fidélité, une dialectique aussi entre docilité apparente et révolte, une dialectique enfin qui sans doute devrait être analysé en termes d'affrontement, peut-être sourdement enterré, entre plusieurs héritages, celui de la religion populaire, d'une religion populaire restée, semble-t-il, extrêmement vivante, l'héritage vaudois dont il sera parlé dans les journées suivantes, et à travers ces quelques suggestions sur lesquelles je termine, c'est une image sans doute beaucoup dynamique et beaucoup moins monolithique que celle qu'on attendait, qui me paraît exprimer ce modèle ou ces modèles de la religion, de la religiosité alpine, tel que j'ai pu les percevoir.